Micro ouvert. J'ai hésité à le mettre, mais je l'ai mis quand même. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. C'était sur Radio Nova. Après le succès d'Edith Diams, DJ Chelout est de retour avec un mix improbable. Aurel Sanson. Les meilleurs textes d'Aurel San repris par Véronique Sanson avec le titre « Besoin de personne, même pas d'une bonne meuf ». Aurel Sanson avec aussi le mix émouvant de Quelques mots d'amour et Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tège la veille et je te rebaisse le lendemain. Oh oui, suce ma bite pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin. Appelle-moi, démonte pneus, monsieur le déménageur. Je crache dans ta femme enceinte et je te fais un bébé nageur. J'aime ta beauté intérieure, même quand tu remues tes seins en silicone. Mets-toi sur Messenger, je t'envoie ma bite en émoticône. Aurel Sanson avec enfin le mix de simple et basique et drôle de vie. Je vais demander à Scred de faire une instru simple, parce que je vais dire des trucs simples, parce que vous êtes trop con. Simple basique, simple basique, simple basique, simple basique, simple basique. Les gens les plus intelligents sont pas ceux qui parlent le mieux. Simple, les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique, les mecs du Hétain ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique, Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple, les dauphins sont des violeurs, ouais méfie-toi des apparences. Simple, simple, simple, basique, simple, basique, simple, basique. Bas, bas, bas, basique, basique. Le son suivant, c'est de Là-bas si j'y suis. 8 Français sur 10 croient au moins à une de ces théories du complot. À l'affût des théories du complot qui encombrent les esprits, la Fondation Jean Jaurès, proche du PS, et l'Observatoire du conspirationnisme, Conspiracy Watch, ont commandé un sondage à l'IFOP pour dresser un état des lieux de l'opinion sur le sujet, c'est-à-dire le complotisme, une étude dont les résultats, selon Le Monde, font froid dans le dos, car selon ce sondage, 8 Français sur 10, pas moins, adhéreraient au moins à une théorie du complot. Encore tabou, c'est un phénomène social qui devient majeur en France. Selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, sur 1252 personnes interrogées, 79% des Français croient à une théorie du complot. Une récente étude montre que 8 Français sur 10 croient au moins à une de ces théories du complot. Les jeunes y seraient les plus réceptifs. Il y a cette enquête de la Fondation Jean Jaurès et de Conspiracy Watch en lien avec l'IFOP qui a dévoilé pour la première fois aujourd'hui les croyances des Français en matière de fake news, ces fausses informations, hein, c'est la traduction, dont on parle d'ailleurs beaucoup, notamment avec Emmanuel Macron ces derniers temps. Il y a moins d'une semaine, annoncé son intention de légiférer contre ces fake news. Près de 8 Français sur 10 croient à au moins une théorie du complot. Alors, 79% des Français sont-ils complotistes ou conspirationnistes, persuadés que d'obscurs réseaux secrets nous manipulent sur des sujets d'importance? Autant dire, vu le chiffre, sommes-nous quasiment tous complotistes? Eh bien, difficile d'aller dans le sens de l'IFOP et des commanditaires de l'enquête. Ce chiffre, repris en fanfare par une flopée de médias, hormis quelques petites voix dubitatives dans l'Humanité, Marianne ou La Croix, eh bien, ce chiffre à l'examen apparaît bien contestable. Pourquoi ? Et parce que la manière dont les sondeurs s'y sont pris pour mener leur enquête pose pour le moins problème. D'abord, ils ont constitué une liste d'une dizaine d'affirmations qu'ils considèrent comme des théories du complot. Or, à bien y regarder, ces affirmations brassent bien large puisqu'elles relèvent par exemple soit d'un fait ayant effectivement suscité historiquement un doute et qui a toujours sur ce créneau une notoriété certaine comme l'implication supposée de la CIA dans l'assassinat du président Kennedy, soit d'une controverse non pas historique mais actuelle, en plein débat, comme quoi, par exemple, le gouvernement français serait de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques pour cacher la nocivité des vaccins, une polémique, soit dit en passant, attisée par la position singulière de l'actuel ministre de la Santé, qui s'est par le passé trouvé à dire que le financement des experts par des labos était plutôt un signe de compétence qu'une question de conflit d'intérêts. Soit encore de réelles théories complotistes, comme celle qui voudrait que les États-Unis aient développé une puissante arme secrète capable de déclencher des tempêtes, des cyclones, des séismes, soit enfin de croyances comme celle par exemple qui susurre qu'il est possible que la Terre soit potentiellement plate et non pas ronde, ce que penseraient 9% des sondés. Or, comme l'a fait observer un historien depuis, croire dans des bêtises, ce n'est pas être nécessairement conspirationniste, et on remarque d'ailleurs que les sondeurs ne semblent même pas avoir envisagé que certains petits malins aient pu répondre n'importe quoi. Je sais que c'est dur à entendre, mais la Terre est plate et je vais vous en donner la preuve. Donc, avec un râteau aussi large dans la définition des complots, il n'était pas vraiment étonnant d'arriver à ce chiffre qui fait froid dans le dos de 8 Français sur 10 contaminés par ceci. Mais surtout, on reste encore plus perplexe en découvrant l'autre biais méthodologique de l'étude. Celui-ci réside dans le fait d'avoir dans un premier temps tester la notoriété des dites théories du complot en demandant aux sondés s'ils les connaissaient, et pour une grande majorité, on observe qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. Puis dans un deuxième temps, et quelles qu'aient pu être les réponses à la question sur la notoriété, de tester le taux d'adhésion à ces différentes théories auprès de tous les sondés, c'est-à-dire sans même avoir laissé la possibilité à ceux qui n'en avaient jamais entendu parler de répondre « Eh bien, je ne me prononce pas », ce qui aurait pu être un choix assez logique. Ainsi, puisqu'ils étaient sommés de répondre, même s'ils n'en avaient jamais entendu parler, une bonne part des sondés se sont retrouvés classés dans la catégorie complotiste sans même avoir pu véritablement réfléchir ou se renseigner, alors même que les prescripteurs du sondage exhortent les citoyens à faire preuve de discernement. Mais encore une fois, comment faire pour discerner si l'on n'a même plus le temps de discerner? Et les sondeurs en sont arrivés à ce surprenant résultat concernant l'une de leurs théories, c'est-à-dire que 28% y adhéraient quand 27% seulement déclaraient la connaître. Quelques jours après la publication de ce sondage, le sondeur lui-même, l'IFOP, ébranlé par les quelques voix lucides qui ont spontanément douté de la pertinence de son travail, l'IFOP, s'est fendu sur le site de Conspiracy Watch de précision méthodologique. Et à l'argument selon lequel les différentes thèses testées ne relevaient pas toutes d'une théorie du complot, il précisait qu'effectivement, le parti pris retenu était de brasser large et de passer en revue toute une série d'opinions et de thèses de nature différente. Bref, de sorte qu'après ces piteuses précisions, il concédait qu'on pouvait plutôt retenir comme répartition totale de la population la suivante, que 53% étaient relativement hermétiques à ces discours, 22% relativement perméables, 25% seulement fortement réceptives. On est bien loin de l'affichage des 8 Français sur 10 attirés par le complot, c'est-à-dire du phénomène social majeur brandi sur la foi de l'IFOP par les médias. C'est un phénomène social qui devient majeur en France. Près de 8 Français sur 10 croient à au moins une théorie du complot. Ces précisions, autant vous dire, n'ont bien sûr pas fait les grands titres de ceux qui avaient claironné haut et fort le premier résultat, dont on peut tout de même tirer une leçon, qui est d'avoir mis au jour, chez les anticomplotistes, un haut degré de propension à voir des complotistes partout. Quand j'ai fait ma deuxième vidéo de la chaîne, celle sur le Nutella, je me suis fait quand même pas mal bâcher. Mais pourquoi tu nous fais des vidéos sur des entreprises de merde qui exploitent les gens et qui nous pourrissent notre planète ? Bon, sur le coup, leurs commentaires n'avaient pas grand-chose à voir avec la vidéo, mais je pense avoir bien compris ce qu'ils essayaient de me dire. C'est donc surtout pour eux que j'ai fait stop là. Vous savez, de temps en temps, j'ai du mal à faire mon classement parce que je trouve qu'il y a trop de monde qui pousse au portillon. Bah voilà, c'est une de ces vidéos. Vous l'avez voulu, vous l'avez, donc sortez les banderoles, descendez dans la rue parce qu'aujourd'hui, on regarde le top 5 des entreprises les plus maléfiques. Et c'est pas du joli joli. Je vous préviens, va encore y avoir quelques images choquantes. Donc pour les plus jeunes, je vous dis à samedi prochain. Pour les autres, on rentre directement dans la vidéo. Numéro 5, Kids Wish Network. Kids Wish Network est une entreprise américaine à but non lucratif qui offre un souhait aux enfants ayant des maladies graves. Alors que l'idée de base est louable, en vérité cette entreprise a été remise en question plusieurs fois sur des accusations d'évasion fiscale et autres. Fondée en 1997, l'entreprise a reçu plus de 127 millions de dollars de dons à travers les années. Et seulement 2,5% de ce chiffre a été reversé pour mettre leur cause en action. Cette entreprise a remporté le titre pire organisation caritative du pays aux États-Unis en 2013. Numéro 4, Bayer. On rentre dans le sérieux. Bayer est une entreprise chimique et pharmaceutique fondée en 1863 à Barmen. Pour vous situer, c'est l'entreprise qui a créé l'aspirine. Et c'est encore une histoire semée de scandales. On commence pendant la Seconde Guerre mondiale avec des trafics d'humains. Bayer achetait des déportés du camp d'Auschwitz pour servir de cobayes humains dans le cadre d'expériences médicales confidentielles. Des lettres ont été découvertes par l'armée rouge après la prise d'Auschwitz et négocié un lot de femmes avec les dirigeants du camp. Plus récemment, le laboratoire a été accusé d'avoir distribué des médicaments pour la coagulation sanguine qui infectait ses patients du virus HIV. Ils ont quand même arrêté le développement de ces produits, mais ont quand même revendu leurs stocks contaminés en Asie et en Amérique du Sud. Plusieurs milliers d'hémophiles dans le monde sont contaminés par le virus HIV par la suite de la négligence de la firme Bayer. Numéro 3, Nestlé. Nestlé, c'est quand même une grosse entreprise. Elle a été la première entreprise agroalimentaire du monde en 2013. Vous devez connaître, mais je vais vous rappeler quelques marques. Donc Chocapic, Maggi, Buitoni, Crunch, Lion, Smarties, Fitness, KitKat, La Laitière, Nesquik, Nescafé, Perrier, Vittel, Contrex, Friskies et Fido, entre beaucoup d'autres. Nestlé souffre déjà de boycott depuis une bonne quarantaine d'années. Il est dit que leurs campagnes publicitaires visant à promouvoir leurs produits pour nourrissons ont causé la mort d'un grand nombre de nouveau-nés dans les pays en développement. La stratégie de ces campagnes s'appuyant sur la prétendue supériorité de leurs produits sur le lait maternel. La position de l'entreprise est que les maires des pays concernés ne comprenaient pas ou ne pouvaient pas atteindre le standard d'hygiène nécessaire pour utiliser leurs produits. La dernière lutte controversée de Nestlé est sur l'eau potable. Pendant le World Water Forum de 2000, Nestlé se battait pour que l'eau ne soit plus considérée comme un droit universel pour tous. Aujourd'hui, Nestlé prospecte pour s'approprier et commercialiser l'eau de nappe phréatique au Pakistan, au Nigeria et dans l'état du Maine aux États-Unis. À l'époque, l'ancien PDG de Nestlé, Peter Brabeck-Letmat, s'exprimait à ce sujet. Je cite « Les ONG ont un avis extrême quant au problème de l'accès à l'eau. Ils souhaitent que l'accès à l'eau soit nationalisé, c'est-à-dire que tout le monde puisse avoir accès à l'eau. Mon point de vue n'est pas celui-ci. Il faut que l'eau soit considérée comme une denrée et comme toutes les denrées alimentaires, qu'elle ait une valeur, un coût. » Fin de la citation. Numéro 2. Dow Chemicals. Dow Chemicals est un géant mondial dans le domaine de la fabrication et de la distribution de produits chimiques. Depuis 2007, cette entreprise américaine est le deuxième fabricant mondial de produits chimiques pour ce qui est du chiffre d'affaires et la troisième entreprise dans le domaine de la chimie pour ce qui est des capitaux boursiers. Cette entreprise a été un des producteurs de Napalm Bay pendant la guerre du Vietnam et après que d'autres grosses entreprises se soient retirées du projet, elle restera la productrice principale jusqu'en 1969. Ce sont aussi les co-créateurs de l'agent Orange, un désherbant puissant utilisé pendant la guerre du Vietnam qui causait, sans parler de même de désastres écologiques, des maladies de peau, des maladies mentales et des déformations de bébés nés de mères exposées aux produits. D'autres plaintes, cette fois venant de leurs employés, ont nourri la controverse. Une exposition au DBCP, un de leurs produits, les a rendus stériles. Alors que les employés ont finalement gagné le procès et auraient dû recevoir 600 millions de dollars de dédommagement, la compagnie ne les a simplement jamais indemnisés. Numéro 1, Monsanto. Monsanto Company est une entreprise américaine spécialisée dans la biotechnologie agricole, avec pour siège Crèvecœur dans le Missouri aux États-Unis. Ça s'invente pas. Cette entreprise seule produit près de 90% des semences transgéniques mondiales à elle toute seule. Après être l'entreprise coproductrice avec Dow Chemicals de l'agent Orange dont j'ai parlé précédemment, elle s'est servie de son expérience pour créer son produit phare, le Roundup, un autre désherbant puissant. Et vu que le Roundup est le premier désherbant utilisé dans le monde entier et qui fait tout crever, Monsanto a donc créé des plantes génétiquement modifiées qui résistent au Roundup. Ces plantes sont supposées avoir un meilleur rendement et sont aussi stériles, ce qui pousse les agriculteurs à racheter des graines tous les ans. Dernièrement, les études ont prouvé que le Roundup pollue les sols, contrairement à ce que disait Monsanto. Il devient donc difficile de faire pousser autre chose que des OGM sur ces sols, ce qui, aujourd'hui encore, appauvrit considérablement la biodiversité de notre planète. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, donc n'hésitez pas à faire passer le mot en partageant cette vidéo sur Facebook, Twitter et sur tous vos sites préférés, et n'hésitez pas non plus à vous abonner, je vous poste une nouvelle vidéo. Avec Gaël, c'est ça ? Gaël Beckers. Enchantée. Et on te rencontre parce que moi, je t'ai rencontré déjà, en fait, hein, via le magazine Axel, qui avait fait un papier de toi. Et par rapport aussi, c'est pas de toi, c'est pas toi, enfin, tu vas expliquer le lien, mais c'est aussi surtout... cette fameuse pilule, quoi, et c'est pas n'importe quelle pilule, j'imagine, il y a aussi... Voilà, donc on s'était rencontrés via Axel, on avait fait un petit reportage sur le stérilet hormonal, en fait, qui pose pas mal de problèmes et sur lesquels on s'interroge énormément pour l'instant, suite au nombre d'effets secondaires qui explosent un petit peu, particulièrement en France. Et donc, moi, je suis secrétaire d'une association de victimes de ces stérilets hormonaux, en fait. Rien à voir avec la pilule. Rien à voir, mais c'est quand même lié. Parce que c'est la contraception féminine et on remet tout un peu en question pour l'instant. Oui, mais il y avait aussi une histoire de pilule. Mais ça, c'est autre chose. Toi, tu n'es pas plus au courant. Il y avait aussi une histoire de pilule qui n'est pas bonne à prendre. Je ne sais pas si tu es un peu au courant, oui, par rapport à ça. Oui, voilà. Donc, on parle d'un type de pilule qui est, je ne sais plus si c'est deuxième ou troisième génération, mais qui poserait énormément de problèmes au niveau effet secondaire et particulièrement chez les fumeuses. Donc on aurait tendance à la préinscrire à énormément de monde, notamment les fumeuses, et ces personnes-là auraient un gros risque d'effets secondaires et de maladies et de décès, en fait. Donc voilà, mais c'est pas mon domaine de prédilection. Donc toi, Gaëlle, tu fais partie d'une assos qui s'appelle comment ? SVH, donc Stérilet Vigilance Hormones. On est basé en France et on commence tout doucement à se développer un peu partout en Europe. Donc on a énormément d'adhérentes en Belgique et en Suisse. Donc toi, si je comprends bien, tu travailles pour une asso qui est en France et t'es en Belgique. Donc ça veut dire que ça se développe petit à petit, ce stérilet hormonal contre, on va dire, hein, c'est ça. Donc c'est une asso qui se met ensemble, les gens qui se mettent ensemble pour se mobiliser, pour être contre ce stérilet, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a créé l'association à la base avec des Françaises et moi en plus en antenne pour la Belgique francophone au départ. Mais on se rend compte que c'est vraiment un problème mondial. Donc notre association et notre groupe Facebook, entre autres, est en train de faire un petit peu des antennes un peu partout dans le monde. On en a notamment une qui est fort active au Canada. On a la Belgique, on a en Allemagne, elles sont très très fortes aussi. Donc ça commence à bouger un peu partout dans le monde, on est contents. C'est énorme, quoi. Ça veut dire que ce stérilet, c'est un problème mondial. C'est ça que t'es occupé à dire aussi. Oui, c'est ça. Donc en fait, par exemple, on est lié avec un groupe qui se situe en Amérique du Sud et on se rend compte que là-bas, il est diffusé de façon très, très large aux femmes de façon à pouvoir réguler les naissances. Donc on le pose aux femmes et après, on ne veut pas le retirer. Comme ça permet de réguler les naissances. Même en cas d'effet secondaire, on leur laisse le plus longtemps possible, en fait. C'est une honte, quoi, carrément. Mais et rappelle pour tout le monde, comme on est tous d'accord, qu'est-ce que c'est un stérilet hormonal d'abord ? Voilà, donc un stérilet, ben, c'est quelque chose qu'on pose à la femme au niveau de l'utérus, qui va diffuser, donc il y a deux types de stérilets, le cuivre qui ne diffuse pas d'hormones et qui va empêcher de tomber enceinte, c'est un peu le but, et alors le stérilet hormonal qui va diffuser de la, une hormone, donc de la progestérone, mais un peu plus forte, je n'ai plus le terme précis en tête, et en fait ça va se diffuser au fur et à mesure dans l'organisme de la femme de façon à ce qu'elle ne tombe pas enceinte. Ça reste entre 3 et 5 ans et voilà, ça a quand même pas mal d'effets. Quand tu dis que ça reste entre 3 et 5 ans, c'est-à-dire que c'est le stérilet qui reste 3 à 5 ans dans le corps de la femme? Oui, donc il y a plusieurs types de stérilets. Il y en a un microdosé qu'on va laisser 5 ans en place et qui va diffuser son hormone pendant 3 ans. Et alors, il y a le stérilet classique, hormonal, dosé normalement, qui reste 5 ans. D'accord. Voilà. Et raconte-nous alors cette histoire. Comment... Bon, d'abord, ce sont des médecins qui placent évidemment ces stérilets hormonaux à l'intérieur des femmes. Hein. C'est déjà ça. C'est pas soi-même qui... Donc il y a déjà ça, il y a l'histoire des médecins, je trouve, qui est quand même énorme aussi. Hein, et puis, mais surtout aussi, raconte-nous toute cette histoire, comment ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, plein de femmes, c'est des femmes ou des hommes aussi qui se mettent tous ensemble dans le monde pour... Donc en fait, les stérilets hormonaux sont sur le marché depuis une quinzaine d'années. Et alors, quand on regarde un petit peu, quand on commence un peu à s'interroger sur les stérilets hormonaux, on est un peu tous pareils, on va sur Google, on fait une recherche, etc. Et on se rend compte qu'il y a déjà des femmes qui se plaignent de ces stérilets en 2004-2005, qui disent, bah oui, je ne me sens pas super bien, j'ai des effets secondaires, je me sens mal dans ma peau, j'ai pris du poids, ou j'en ai perdu, ou j'ai de l'acné, j'ai une baisse de libido, j'ai des idées noires, enfin plein d'effets secondaires fort, fort différents. Et puis alors, on se rend compte en fait au fur et à mesure qu'on cherche un petit peu des témoignages que depuis le départ de la mise sur le marché de ces stérilets, il y a énormément de femmes qui s'en plaignent. On a également des hommes qui viennent nous dire « Help, je ne reconnais plus ma femme, il y a un problème, je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Vraiment, qu'est-ce qui se passe quoi ?» Et donc, en fait, les stérilets sont posés forcément par des gynécos. On ne met pas ça soi-même dans sa salle de bain. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on ne le retire pas soi-même, surtout. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention sur lequel on essaye de mettre. C'est qu'il y a des femmes, on lit énormément de femmes qui disent « Ah, si vous sentez les fils, retirez le stérilet vous-même. » Surtout, il ne faut pas le faire. Ben, parce que ça risque de se déchirer. On risque de se déchirer. Il suffit qu'on bouge. Enfin... On n'est pas, c'est pas un tampon, quoi. On ne sait pas le retirer. Il y a quand même des extrémités qui sont un peu pointues, etc. On tire de travers, on peut se déchirer l'utérus. Il faut en être conscient. C'est un acte médical qui doit être fait. Donc voilà, ça fait. Pour nous, c'est vraiment un point d'attention très important. On ne peut pas retirer son stérilet soi-même. Donc si vous en avez un que vous ne le voulez plus, gynéco ou sage-femme. Ça, c'est déjà le point très important. Donc oui, c'est vraiment un acte médical. Et c'est mis avec le support du gynéco, forcément. Qui a tendance, on trouve, à le préinscrire assez facilement à ses patientes. Qu'est-ce que tu veux dire assez facilement ? C'est-à-dire qu'il ne se renseigne pas sur son produit, sur ce stérilet hormonal ? Non, je dirais plutôt qu'en fait, c'est vraiment pour les femmes qui ont eu un premier enfant ou un deuxième et qui disent, pour le moment, j'ai plus envie d'avoir d'enfant, etc. Ils vont avoir tendance à vraiment très, très rapidement proposer ce type de stérilet parce que... sur le papier, il est très intéressant pour les femmes. Pourquoi ? Déjà, elles n'ont plus de règles. Donc, c'est vrai que les menstruations, ce n'est pas la chose la plus fun du monde. Donc, les femmes, c'est vraiment un avantage pour elles. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le stérilet hormonal a été mis au départ sur le marché pour les femmes qui souffrent d'endométriose. Donc, c'est une maladie de l'endomètre qui est fort épais et qui provoque des règles douloureuses, etc. Donc, à ce niveau-là, en fait, en plaçant un stérilet hormonal, les règles diminuent, voire disparaissent, et donc elles souffrent beaucoup moins. Pour ça, c'est vraiment un très gros avantage. Mais en fait, on l'a un petit peu dévié de son but originel, qui était pour ces femmes qui souffrent de cette maladie, et maintenant, on le place à tout le monde. Et c'est ça le problème, en fait. Donc nous, on n'est pas contre le stérilet, loin de là, parce que dans certains cas, la balance bénéfice-risque est beaucoup plus, est quand même fort intéressante pour les femmes qui souffrent de cette maladie. Par contre, pour les femmes qui n'en souffrent pas, on peut se poser la question. Oui, et quelque part, si je comprends bien aussi, tu dis si je me trompe, hein, c'est qu'on a un peu prescrit ça, prescrit cette, ce stérilet à tout le monde, du coup. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, en fait, maintenant, on le prescrit à toute personne qui a eu un enfant, voire pas d'enfant. Donc, on vient de mettre un nouveau stérilet sur le marché qui est microdosé, qui est plus petit en taille. Et alors, il peut être posé à une jeune fille à partir de 15 ans. Nous, on est fort choqués par rapport à ça parce que quand on voit la liste des effets secondaires et tout ce que ça peut amener, on se dit une jeune fille qui a 15 ans, qui fait déjà face à l'adolescence, aux questionnements identitaires, etc., qui sont amenés dans cette période et qui va être face à ces effets secondaires-là en plus, on a vraiment peur que ça fasse une catastrophe. Mais quoi, alors ces médecins, ils font n'importe quoi, c'est ça aussi. C'est quoi ces médecins? Pourquoi ils font ça? J'aurais envie de dire, moi, j'y veux carrément. Soyons efficaces dans notre manière d'avancer dans cette stérilet hormonal, quoi. Hein. Tout qu'on fait, c'est pas. C'est aussi peut-être les médecins qui ne se posent pas plus de questions, qu'il faut mettre ça sur le marché, qu'il y a une histoire aussi d'argent. Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi ça se passe comme ça? En fait, là, c'est compliqué à savoir parce que jusque-là, on a eu très peu de retours de médecins. Donc, on travaille très peu avec des médecins. Par contre, on a une collaboration qui est très, très bonne avec l'association de sécurité des médicaments en France. Donc, on travaille en partenariat avec eux. Mais on ne sait pas pourquoi les médecins le placent si facilement. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment conscients de tout ce que le stérilet peut amener dans la vie, en fait. Donc, ils voient le côté pratique, donc pas de règles pendant 5 ans. Ils voient le côté, il n'y a pas de risque de tomber enceinte, donc pour la femme, c'est très bien. Mais ils minimisent, j'ai l'impression, tous les risques qui sont à côté. Maintenant, je ne sais pas si c'est une question d'argent, je ne suis pas médecin, je ne sais pas ce qui se passe derrière. Mais on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas un questionnement assez... assez fort et peut-être pas une étude non plus assez poussée des antécédents médicaux des patientes. Oui, puis il paraît qu'il y a une notice aussi, une notice qui est quand même énorme quand on ouvre cette boîte de stérilet. Oui, donc la notice, en fait, quand on reprend la notice du stérilet, déjà, si n'importe quel patient la lisait, je pense qu'elle ne se fait pas poser ce stérilet. Maintenant, il faut savoir que quand on nous préinscrit le stérilet, donc on va chez son gynéco, il préinscrit le stérilet, on va en pharmacie le chercher, il nous dit, attention, on n'ouvre pas la boîte parce que c'est une boîte stérile. Ok, super, donc on est des bonnes des femmes qui écoutent leur médecin, on n'ouvre pas la boîte, on va avec notre petite boîte chez le gynéco, et là, le gynéco, il nous pose le stérilet, ça prend 2 minutes, il pose le stérilet, il prend la boîte, la notice, il tape tout à la poubelle. Donc en fait, on n'a jamais la notice, nous, en tant que patiente, parce qu'en fait, tous les effets secondaires qu'on retrouve aujourd'hui et pour lesquels les patientes se plaignent sont quasiment à 95% tous notés sur cette notice. Mais quoi, ces médecins, attends, il y a quand même une responsabilité. Quand on est médecin, on est quand même... Ou alors, on est vraiment dans une époque de dingue, quoi, complètement absurde. Quand on est médecin, on est quand même responsable. Et puis, j'imagine, quand la femme revient pour dire qu'elle n'est pas bien, qu'elle se sent ceci, cela, qu'elle va revoir son médecin pour dire tout qu'on fait... Je crois que tu as envie d'un peu protéger les médecins, non? Non, j'ai pas envie de protéger les médecins, pas du tout. Mais maintenant, je ne veux pas faire du boycott. J'ai pas envie de dire que tous les médecins sont mauvais. Je veux pas tous se les mettre dans le même sac. Je pense, par contre, que les médecins sont... Enfin, une fois que la pose du stérilet a été mise, qu'on y retourne et qu'on dit, écoutez, moi, ça va pas, je me sens pas bien dans ma peau, ou je saigne plus, justement, ou, enfin, il y a un souci, le médecin a tendance à dire, il y a un temps d'adaptation. Et effectivement, il y a des femmes, il leur faut quelques mois pour se mettre sur le stérilet, parce que les hormones sont complètement différentes de ce qu'on sécrète de façon habituelle. Mais je pense qu'à un moment donné... on laisse un petit peu peut-être trop de temps à ce temps d'adaptation. Quand ça fait 6 mois, 1 an que la personne a le stérilet et qu'elle est toujours aussi mal dans sa peau, c'est que le stérilet ne convient pas. Et c'est là, à ce moment-là, je pense que le médecin doit être beaucoup plus réactif. Non, non, évidemment, j'entends bien ce que tu dis. Évidemment, tous les médecins ne sont pas des... Tout, pas tous, mais... Il y a de quoi se poser des questions, évidemment. Ça, c'était pour les médecins, mais maintenant, est-ce que tu peux recontextualiser aussi tout ce mouvement? Parce que sur Facebook, ici en Belgique, vous êtes combien? Mais c'est Belgique-France, du coup, alors? France, on est un peu plus de 22 000 membres, oui. Et alors, notre association compte 600 adhérentes, donc victimes, qui ont décidé de nous faire confiance pour porter un petit peu la flamme de nos revendications et pour essayer de faire évoluer les choses. Mais ça donne quoi alors la flamme et les revendications, à qui, à quoi, comment? Mais peut-être avant d'être là-dedans, comment ça a pris? C'est-à-dire que oui, tu dis on a remarqué de plus en plus de femmes qui se sentaient pas bien, qui avaient un peu les mêmes, comment on dit ça, les mêmes symptômes. Et puis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que toi et d'autres gens qui travaillent comment ça s'est mis en place? Donc en fait, au départ, on a créé un groupe Facebook qui a été créé. Mais qui l'a créé, par exemple? Donc c'est une ancienne membre de notre association, Christelle, donc, qui a créé un groupe Facebook dans le but de pousser les gens qui subissent des effets secondaires à faire des déclarations de pharmacovigilance. Donc le but, en fait, c'était vraiment de faire remonter au niveau des institutions légales que, oui, attention, on a un problème. Donc pas juste venir se plaindre sur Facebook, mon Dieu, ça va pas, j'ai plus de libido, j'ai des idées noires, je suis dépressive, etc. Non, c'est vraiment dire attention aux institutions, il y a un souci ici. Et donc, elle a vraiment poussé les gens à faire des déclarations de pharmacovigilance. Et son groupe a explosé, mais très très rapidement. Donc, elles étaient quelques centaines. Et au bout de 3-4 mois, il y avait 22 000 personnes. Donc là, on s'est dit, waouh, il y a quelque chose à faire là derrière. Et donc, on était 3-4 au départ à se dire, il va falloir porter la voix des victimes devant les institutions et vraiment mettre un cadre légal derrière ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé l'association au départ. Oui, vous avez créé cette association pour ça, c'est-à-dire parce que vous avez vu un gros événement, genre, ça a créé beaucoup de gens sur Facebook, comme ça, d'un coup, 22 000. Mais toi, en fait, qu'est-ce que tu as à voir là-dedans, au fond? Est-ce que ça t'est arrivé Ah bon? En fait, moi, au départ, on m'a posé le stérilet après la naissance de ma fille, donc c'était en 2013. Et c'est vrai que j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Je suis quelqu'un de fort gai, très, très actif, etc. J'étais tout le temps crevée, plus envie de rien. Il y avait des jours où je reprenais ma bagnole pour rentrer chez moi. Je me disais, si j'accélère bien convenablement, cette musique-là, c'est une bonne musique pour mourir. Je vais me prendre la berne centrale. Oui, mais c'est un truc de dingue, quoi. J'avais 26 ans à l'époque. J'avais tout pour être heureuse. J'ai un mari génial, franchement, chapeau. Quand je vois ce qu'il supporte, le pauvre, j'ai une petite fille qui est vraiment aux anges. On est en train de faire construire notre maison, donc aucune raison valable d'être comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, waouh, il y a quand même un problème. J'ai commencé un petit peu à m'interroger, à interroger mon médecin. Il me dit, mais non, vous venez d'avoir un enfant, c'est normal. Enfin, le retour au travail, le stress, etc., c'est normal, il n'y a pas de souci. Et puis alors, un jour, je me réveille le matin, une douleur dans le ventre insoutenable. Je ne savais plus me lever. Donc, je vais en vitesse aux urgences gynéco. Et là, en fait, j'apprends que le stérilet a migré. Donc, en fait, il s'est déplacé, il a commencé à perforer ma trompe de Fallope. Oui, donc la totale, je me dis, super. J'avais 27-28 ans à l'époque et je me dis j'ai 28 ans, on va devoir me le retirer, je sais pas si je saurai un jour avoir un deuxième enfant parce que voilà, il y a quand même une partie du corps qui est abîmée. Il me le retire et puis j'oublie un peu cette période-là. Je me dis, c'est un mauvais souvenir, etc. Et puis je commence à voir des articles paraître l'année passée sur le stérilet. Je me dis, bordel, il y a d'autres femmes qui ont vécu la même chose que moi. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée sur le groupe Facebook. J'ai parlé de mon expérience personnelle et j'ai rencontré toutes les femmes avec qui on a construit cette association et qui ont vécu, pour certaines, bien pire que moi. Il y a une association qui est créée, mais quoi, il y a des sous pour c'est ton travail, quoi, ou c'est quelque chose de bénévole? Là, tu vois, j'arrive pas bien à comprendre. Donc, en fait, les adhérentes payent une cotisation annuelle de 10 euros par an, de façon à pouvoir intervenir dans les frais de l'association. Donc, on se déplace énormément pour rencontrer les instances sanitaires et médicales, etc. Et alors, nous, on est toutes bénévoles. Donc, on travaille environ entre 20 et 40 heures par semaine pour faire bouger les choses de façon bénévole. Voilà. Bon, je crois que là, on a bien compris le tableau. Mais maintenant, concrètement, alors, comment changer la donne, quoi? Il ne faut plus placer ce stérilet. C'est un combat pour ça ou bien autre chose? Alors, donc, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent si on veut aller en recours en justice contre les sociétés qui ont créé ce stérilet. C'est pas du tout, du tout, du tout notre façon de penser, parce qu'on pense que c'est une perte de temps, une perte d'énergie et une perte d'argent énorme, parce qu'on ne saurait jamais faire face à une grosse société qui est multimilliardaire et est présente dans le monde entier. Ça, c'est déjà une certitude. Donc... C'est sûr, ça ? C'est sûr ? Oui, c'est sûr. Même si, enfin, tu vois, la fille complètement naïve, non. Même si c'est pour une bonne cause, même s'il y a 22 000 personnes sur Facebook qui... Non. Non, il y a des groupements collectifs qui se sont faits aux États-Unis et au Canada. On sait bien que là-bas, les procès, ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent dans la protection des victimes, etc. Et jusque-là, tout le monde a perdu en procès contre eux. Donc c'est hors de question, on ne veut pas se lancer là-dedans. Donc nous, on a décidé de batailler sur un autre, sur un autre plan, dans le sens où on a décidé vraiment de travailler en collaboration avec la NSM, donc, qui s'occupe de la sécurité sanitaire et médicale en France, mais également au niveau européen. Et le but, c'est vraiment d'améliorer la notice et d'obliger les médecins à donner vraiment l'information aux patients. Donc on est vraiment dans quelque chose plus dans l'information correcte des patients et correcte des médecins aussi. Donc le but, c'est que le stérilet soit placé aux femmes pour qui il est nécessaire. Mais c'est encore plus illusoire que de passer au tribunal, je trouve, ce combat-là, parce que ça devient très, comment on dit, personnel. Comment vérifier ça, comment appliquer ça, c'est complètement fou, tout autant que passer en justice. Je trouve que là, au moins, il y a des articles, il y a des lois, il y a des règles. Tu vois un peu le... Oui, je comprends bien. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent il vaut mieux faire un bon procès, etc. Mais on pense que vraiment, le but, c'est mieux d'informer le consommateur correctement et que chaque personne soit consciente de ce qui se passe que d'espérer un jour peut-être récupérer des sous sur un procès et dédommager des victimes. Voilà. Donc, Non, moi, je n'imaginais pas forcément dédommager les victimes, mais s'il y a un produit mis sur le marché qui est très mauvais pour la femme, bâclons ce produit, tout simplement, tu vois, puisque justement, tu as l'air de dire que les... Pas tous, je précise bien, pas tous, elle n'a pas dit pas tous. Certains médecins font très bien leur travail, mais d'autres ne sont pas plus proches des femmes pour expliquer... Enfin, t'as expliqué depuis le début aussi que ce stérilet, pour finir, ce serait donné à toutes les femmes, et au fond, ça ne doit pas être donné à toutes les femmes. Donc en fait, il faut savoir que c'est la NSM et les instances européennes qui peuvent retirer du marché un médicament ou un stérilet. Ils l'ont. Excuse que je te coupe, mais ça, c'est une bonne idée, je trouve. C'est pour ça qu'on travaille avec eux. Voilà, le but, c'est vraiment dans un premier temps, de voir s'il y a moyen de mieux informer les médecins et les patientes. Et dans un deuxième temps, si on voit vraiment que la balance bénéfice-risque est vraiment pas bonne et qu'il y a trop de risques de le laisser sur le marché, c'est de travailler en partenariat avec la NSM de façon à ce qu'à un moment donné, si on doit le retirer sur le marché, on puisse nous apporter notre pierre à l'édifice et dire c'est grâce à nous qu'il a été retiré sur le marché ou qu'il doit être diffusé de façon beaucoup plus réglementée. C'est vraiment notre cheval de bataille, c'est plutôt ça en fait, parce que c'est pas un tribunal qui va pouvoir dire maintenant on retire ça du marché, c'est vraiment les instances sanitaires et médicales. Ouais, donc c'est pas gagné, parce que c'est du business en cours aussi. C'est pas simplement... Oui, mais on est vraiment dans une société comme ça. On pense plus aux chiffres, à la rentabilité qu'à la santé, pour finir. C'est ça. Donc en fait, il y a plusieurs... Il y a plusieurs autres cas qui ont... pour lesquels on a retiré des produits du marché. Je pense notamment aux clips Essure. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce scandale sanitaire, entre guillemets. Donc, en fait, c'était des clips composés aux femmes qui voulaient se faire ligaturer les trompes et qui diffusaient des hormones au niveau de l'utérus. Et ces clips ont été retirés du marché parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui développaient un cancer du col de l'utérus, en fait. Donc ça a été retiré du marché grâce à une association qui s'appelle Résiste, qui est basée en France également, mais qui a, comme nous, des antennes un peu partout, et qui, grâce à son combat et justement à ce porte-drapeau qui est allé travailler en partenariat avec la NSM, etc., qui a réussi à faire retirer du marché ce produit. Donc voilà, on se dit, c'est plutôt vraiment notre vision des choses. On se dit, si c'est vraiment négatif, il vaut mieux le faire retirer du marché. C'est le but, en fait. Mais tu expliquais dans un premier temps que d'abord, ce n'était pas ce but-là. D'abord, c'est vraiment conscient. C'est pour qu'on comprenne bien. Hein. Conscientiser les docteurs de ne pas donner ce stérilet à n'importe qui, n'importe comment, que les femmes soient bien au courant. Voilà. C'était ça d'abord l'idée. C'est, hein. ça l'idée. Et concrètement, vous faites comment pour que ça se passe comme ça? Vous allez voir les médecins? Ils doivent remplir un formulaire? Comment ça se passe? Donc, en fait, pour le moment, donc, là, on est en train de travailler avec la NSM en France. On a créé une plaquette informative, en fait, recto verso, qui reprend tous les effets secondaires du stérilet, qui va être distribuée par la NSM directement. Donc, c'est même plus dans nos mains à nous. Nous, on a simplement, entre guillemets, aidé à le rédiger et donner nos points d'attention par rapport à ça, aux informations qui doivent être citées là-dessus. Et alors, là, ça va être diffusé chez tous les médecins, tous les gynécos, tous les hôpitaux, etc., qui ont un service gynéco. Et ça doit être distribué systématiquement à toutes les patientes à qui on va poser un stérilet. Il y a déjà ça de nouveau, quoi. Voilà. Ça, c'est nouveau. Et c'est en cours, c'est en ce moment, voilà, c'est ça? C'est ça. Donc là, ça va faire un an que l'association est créée. Et on a déjà finalisé cette partie-là. Donc on trouve qu'en une année, on a déjà fait un bon boulot. Et bon, voilà, notre grosse victoire, c'est qu'on arrive à pratiquement 3000 déclarations de pharmacovigilance en un an par rapport aux effets secondaires du stérilet. Donc voilà, on est content. On est en train d'avancer vraiment là-dedans, quoi. Pas compris quand tu dis on est occupé à 3000 pharmacovigilants, ça veut dire quoi exactement? En fait, il y a 3000 femmes qui aujourd'hui ont déclaré avoir subi des effets secondaires du stérilet sur une année parce que ben, on a poussé vraiment. Pousser les femmes à aller déclarer leurs effets secondaires. Et donc, bah forcément, comme ce nombre a vraiment très, très fort augmenté par rapport à il y a quelques années, c'est à ce moment-là que les institutions sanitaires ont commencé à se poser des questions et à dire « Ok, d'accord, là, à ce moment-là, il y a vraiment un souci avec ce produit sur le marché. » Voilà. Baquons-le au plus vite. Ça serait bien. Ça serait bien. Voilà. Mais ça a dû être impressionnant comme ça de créer un groupe sur Facebook comme ça, mine de rien, et puis d'un coup de voir cette énergie, parce que c'est ça aussi que représente le réseau social, c'est de voir qu'il y a plein de gens pour finir qui adhèrent. J'imagine que c'est essentiellement des femmes. Oui, c'est énormément de femmes. Maintenant, ce qu'on constate, c'est un petit peu le revers de la médaille, c'est qu'on a énormément de gens sur le réseau social qui nous suivent. Donc il y a 22 000 personnes, mais il y a très très peu de femmes qui sont prêtes à un moment donné à quitter leur confort du réseau social et de leur petit témoignage et de vouloir aller plus loin. Donc on a 22 000 personnes qui sont membres de notre groupe et on a seulement 600 adhérentes. Donc la proportion est vraiment très faible, alors que les 22 000 femmes... on essaye d'aider tout le monde, qu'elle soit adhérente ou pas à l'association. Donc on trouve ça dommage à un moment donné que la femme ne se dise pas « Ok, moi ça m'est arrivé à moi, je suis venue chercher mon information qui m'a aidée à un moment X, mais je ne vais pas aider la femme de demain, ma fille, ma petite fille, à ne pas faire face à ce problème. » Il y a peut-être une conscientisation à faire, puisqu'on est dans un monde, tu sais, avec l'idéologie individualiste. Peut-être ces femmes, il faudrait peut-être mettre une belle annonce sur le réseau social, tu vois, sur votre site. Enfin, oui, c'est quelque part une forme de site, hein, le Facebook. Pour que enfin voilà, moi j'aurais envie de trouver des excuses dans un premier temps. Après, tu vois, il faut laisser de la chance aux femmes aussi, peut-être qu'elles ne sont même pas conscientes qu'elles fonctionnent individuellement et qu'il y a peut-être un projet collectif pour se mettre ensemble. On a essayé, hein, on fait énormément, entre guillemets, de publicité pour notre association. On se bat vraiment pour la faire vivre, mais on se rend compte que les femmes, voilà, elles ont leurs problèmes aujourd'hui, elles ont besoin d'aide aujourd'hui. On est vraiment dans une société de consommation où au jour J, on a besoin d'aide. Demain, j'ai oublié que j'ai eu besoin de cette aide et après-demain, c'est complètement, voilà, je tourne la page et tant pis pour les suivantes. Et c'est ça qui, aujourd'hui, pose problème dans l'association, c'est qu'on se rend compte que les femmes, tant qu'elles sont concernées directement, elles sont actives et elles viennent nous aider, mais du moment qu'elles ne sont plus concernées directement, ben, ça passe à la trappe. C'est dommage, quoi. On espère que qu'avec cette émission aussi, si jamais les femmes vous nous entendez, que ça reste pas, allez, que ce soit plus, comment dire, ça fédérateur, quoi, pour finir. Voilà, c'est ça, parce que je vais dire, voilà, moi personnellement, j'ai été victime de ça il y a 3-4 ans, mais je me bats aujourd'hui. alors que je ne suis plus du tout concernée, que ma vie est passée complètement à autre chose, mais je me bats pour que, voilà, quand ma fille aura 15 ans, on ne lui dise pas, viens, on va te poser un stérilet hormonal et puis qu'elle ait plein de soucis quand elle en aura 20, quoi. Moi, le but, c'est vraiment d'aider les générations futures et ma voisine et la voisine d'en face et je ne sais pas, un peu tout le monde à vraiment ne pas faire face à ces problèmes-là, en fait. Et c'est ça qui est dommage. On aimerait vraiment bien que les gens se rendent compte qu'on n'est pas tout seul sur notre petite barque et qu'à un moment donné, si on ne se rassemble pas et qu'on n'est pas fort ensemble, rien ne changera. Oui, il faut peut-être trouver, voilà, c'est peut-être l'esprit créatif à inventer pour faire que toutes ces femmes soient quand même reliées, parce que peut-être tout le monde, toutes ces femmes n'ont pas le temps ou n'ont pas forcément envie de placer beaucoup d'énergie comme toi tu le fais, évidemment. On ne peut pas dire, parce que toi, tu es quand même, pour finir, beaucoup dedans. Hein, mais peut-être viser des femmes à petites bribes comme ça, pour qu'elles donnent aussi un petit peu de leur temps et pas tout leur temps. Enfin voilà, il faut peut-être trouver des idées, quoi. Ça, c'est plus votre job. Parce que vous aviez fait un café... On a voulu mettre en place un café stérilet. Donc en fait, c'est vraiment un lieu de rencontre où les femmes qui sont victimes des effets secondaires viendraient discuter, parler du pendant et de l'après stérilet, de façon à reprendre sa vie en main, parce qu'il ne faut pas croire, on nous enlève le stérilet, le lendemain ça ne va pas aller mieux, il y a tout un temps pour que le corps élimine les hormones, etc. Et on a vraiment essayé de mettre ça en place, on a voulu faire ça d'abord ici en Belgique, parce que moi j'avais envie de porter ce projet, et on s'est rendu compte en fait, donc on faisait ça en décembre, et on s'est rendu compte à quelques jours du café qu'on avait deux personnes qui voulaient participer. C'est déjà pas mal deux. C'est pas un. Oui, mais bon. Voilà, une location de salle. Enfin, ça demande énormément de préparation, etc. Et voilà, on l'a annulé parce que ça demande tellement de préparation, d'engagement, etc. À un moment donné, on n'a pas envie de faire ça non plus pour rien. Et on trouve ça dommage de rester vraiment dans un système numérique et pas de passer à quelque chose dans la vraie vie, quoi. Et c'est un peu ce changement, ce passage d'un à l'autre qui est difficile pour le moment, parce qu'on n'a pas envie d'être uniquement actif sur les réseaux sociaux. Il y a tellement plus que ça. J'imagine que c'est pas le problème du stérilet, c'est un problème un peu général aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas que le stérilet. C'est vraiment un problème de conscientisation par rapport à la conception de la femme, à la contraception de la femme. On a envie que les femmes reprennent ça en main et arrêtent de se laisser diriger quelque part, un peu j'ai presque envie de dire par les hommes, parce que voilà, on n'est pas les seuls à devoir faire attention, de ne pas tomber enceinte, de ne pas avoir un enfant, etc. C'est vraiment un problème de société générale, et là pour le moment la femme porte un peu toute seule son fardeau de la contraception, c'est dommage. Oui, mais mon exemple, je l'ai mal développé, évidemment, avec ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord, mais c'était aussi genre, c'est un fait de société, c'est-à-dire les femmes ne sont pas toutes quand tu dis qu'on a envie que ce ne soit pas simplement virtuel, vous faites un café citoyen, il y a deux personnes, on fait une manif hier en plein centre, il n'y a pas le monde qu'on attendait. Le samedi d'avant, j'étais encore à un autre endroit. On se demande où sont les gens. Mais voilà, c'est pas simplement dirigé vers le stérilet. Je pense qu'il y a c'est un problème de société. C'est ça que je voulais dire. Je pense que les gens aiment bien leur confort, leur petit confort. C'est tellement facile d'être derrière son PC et d'être dans son confort, de son canapé, avec son smartphone, etc. Maintenant, se battre, sortir et montrer, donner de la voix et essayer de porter une action, c'est complètement différent. Hein. On n'est pas encore là, quoi. Il n'y a pas encore. Mais il faut rappeler que le stérilet, c'est vraiment un moyen contraceptif. C'est un moyen de ne pas avoir d'enfant. Hein? Ouais. Comment font les femmes, alors, une fois qu'elles arrêtent ce stérilet? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça raconte? Donc, en fait, il y a plusieurs... ça, c'est vraiment une grosse question qu'on a d'énormément de membres. Elles disent, voilà, je me fais retirer mon stérilet. Qu'est-ce que je prends comme contraception demain? Ça, c'est un peu... c'est vraiment de l'ordre du privé, j'ai envie de dire. Parce que Madame Chantal va apprécier, va supporter la pilule et va trouver que c'est un moyen génial. Agnès va dire, ah non, c'est pas super cool, la pilule, moi, je l'oublie, etc. Voilà, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Chacun doit trouver la contraception qui lui correspond et qui correspond à son couple également. Donc voilà, nous, par exemple, on est énormément au sein de l'association des personnes actives, mais on ne prend pratiquement plus aucune des hormones. Donc voilà, on a tout décidé qu'une fois cette expérience du stérilet, en fait, on s'est rendu compte que les hormones, c'était pas le top et que ça avait quand même énormément d'incidence sur plein de choses. Donc on est beaucoup à revenir à la traditionnelle méthode du préservatif et voilà. Oui, ou alors, oui, ça c'est donc le mec qui met un préservatif, mais il y a aussi plein d'autres manières. Alors, c'est pas forcément la femme son problème, on pourrait aussi le renvoyer à celui de l'homme, quoi. Oui, ou bien on pourrait dire, maintenant je suis arrivée à un certain âge, je n'ai pas envie de me faire ligaturer le tronc, pourquoi monsieur ne se ferait pas opérer ? C'est une possibilité aussi. Maintenant, c'est des sujets qui restent vraiment de l'ordre du privé et du couple, et nous, le but, c'est vraiment pas de pousser vers un type de contraception ou un autre, c'est chaque personne doit trouver celle qui lui convient. Ça, c'est vraiment notre discours de base, parce que comme je dis, ça dépend d'une personne à l'autre très fort. Oui, puis prendre l'exemple que ce soit un peu l'homme, allez, ce serait bien dans le temps qui passe, là, que ce soit pour finir un problème des hommes, quoi. c'est leur problème, quoi. Oui, ce serait bien. Ça change, quoi. C'est plus le problème des femmes. Non, mais t'imagines depuis combien d'années les femmes mangent des pilules et puis on se rend compte qu'en fait c'est très mauvais, elles grossissent, elles sont pas bien. Parce que je ne suis pas plus au courant que ça, mais de montrer que les pilules d'avant, on va dire, sont très mauvaises, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, les pilules influencent les hormones en général, peu importe, parce qu'il y a les pilules, il y a les anneaux contraceptifs, il y a l'implant contraceptif. Voilà, tout ça injecte des hormones qui ne sont pas naturelles dans le corps de la femme, et ça a plein d'incidences. Il y a énormément, on parle énormément de cancer du sein, de cancer, énormément, de cancer du col de l'utérus. Par rapport à la pilule ? Par rapport à tous les types de contraception, je suis pas au courant. Ah si, quand même. Oui. Il y en a quand même énormément. Les hormones provoquent des désastres pour certaines. On parle d'embolie pulmonaire, la pilule pour une fumeuse, ça peut provoquer des embolies pulmonaires. Ça a énormément d'incidences. Donc c'est vrai, il serait peut-être temps que, messieurs, il y ait une pilule qui sorte pour vous et que ce soit à votre tour. Chacun son tour, quoi. C'est pas tout le temps les femmes. Mais évidemment que ça se passe pas comme ça. Mais pourquoi ? J'ai déjà un peu réfléchi à ça. Pourquoi ça se passe pas comme ça ? Pourquoi ? Peut-être parce que la femme porte l'enfant à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on a envie de s'amuser au lit, par exemple, et qu'on s'amuse, après, il y a quand même le problème, en fait, c'est quand même la femme, elle se dit « Merde !» Voilà, tu vois, c'est son problème. La femme, quoi qu'il arrive, de toute façon, si elle prend pas ses précautions, c'est pour sa poire. Hein. C'est elle qui se retrouve enceinte, qui devient énorme, qui est pas bien pendant 9 mois, et qui se retrouve avec toutes les emmerdes. L'homme, en fait, s'il en veut pas, il part, et c'est terminé. Voilà. Voilà, l'avortement, on est un petit peu dans la continuité aussi. Une femme qui ne fait pas attention, si elle ne veut pas d'enfant, elle se retrouve enceinte, c'est elle qui avorte. L'homme, au final, il est tranquille, lui, il fait son petit bazar et puis il rentre chez lui, quoi. Oui, c'est ça, hein, c'est ça, je pense, dans l'histoire, pourquoi on en est là aussi. Clairement ça pour moi. Je pense que c'est ça. L'homme n'est pas... c'est pas sa chair à lui qui va être voilà, c'est ça. Transformé, on l'a pas entendu. Oui, transformé. Bon, on arrive à la fin. Qu'est-ce que tu verrais de super important qu'on n'a pas dit, par exemple ? Parce que moi, je suis pas au courant de tout, évidemment, donc il y a peut-être des choses que tu n'as pas dites, que tu tiens à dire. Bah, je dirais que, mesdames, si vous êtes concernées, ou messieurs, si vous voyez que votre femme elle a un stérilet, que vous voyez un peu un changement de comportement, n'hésitez pas à nous contacter, à nous rejoindre, à venir essayer de faire changer un peu les choses. Nous, on cherche des gens qui sont motivés pour nous aider dans ce combat. Et voilà, donc on a un groupe Facebook, c'est les victimes du stérilet hormonal, c'est SVH Association, et on a un site internet svh-asso.org. Et alors on a en plus de ça une permanence téléphonique tous les jours du lundi au samedi de 9 à 17 heures. Donc voilà, on est joignable par plein de moyens et on est là pour vous aider, et on cherche nous aussi des gens qui ont envie de porter cette action. Mais dis, je vois encore une question qui apparaît là. D'abord, t'entends, moi j'entends super fort, mais la musique, c'est rien à voir. C'est bon, attends. Si jamais vous réussissiez votre groupe à virer ce stérilet hormonal, vous n'avez plus de travail. C'est ça aussi que... C'est pas grave. On aura réussi notre action, donc voilà, le travail aura été fait. Et il n'y en a pas qu'un de stérilet, donc avant qu'ils soient tous retirés du marché, on a encore de la marge. Et je pense qu'il y aura pendant encore quelques belles années des victimes et des gens à épauler et à aider. Parce que l'objectif, c'est quand même, comme on parlait au début, hein, c'est quoi votre objectif, c'est quoi votre combat en fait, hein, entre informer les toubibs et informer les patientes de ce stérilet et tous les rôles négatifs qu'ils peuvent avoir, et de l'autre, virer ce stérilet en fait qui est très mauvais, qui a été. C'est ça les deux gros combats, ou bien j'ai mal compris? Parce que. Est-ce qu'on peut vous faire confiance, vous, petite association, de vraiment faire les choses, puisqu'on est à l'ère, tu sais, du politique qui fait plein de combines et de machins. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une assoce comme ça pour se dire, pour mener un vrai combat? C'est-à-dire que s'il faut virer ce stérilet, ce qui n'est pas facile à faire sûrement, mais je veux dire, s'il y a un nombre incalculable de victimes qui sont là, enfin, à un moment donné, il n'y a pas photo. Je veux dire, les gens sont quand même... C'est quand même une force, quoi, les gens. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc, en fait, il faut bien se rendre compte. Aujourd'hui, notre association est la première et une des premières à avoir vraiment décidé de porter la parole de ces victimes sur le devant de la scène. On fait énormément de médias en France, etc. Je veux dire, si la problématique est connue, entre guillemets, c'est un petit peu grâce à notre action. Donc, je pense qu'entre nous faire confiance ou ne pas avoir d'association du tout, ben, le choix est quand même vite fait. On est vraiment, nous, notre but ici, c'est pas du tout de éventuellement nous enrichir ou... Mon œil. Ça se voit trop dans tes yeux que c'est l'argent qui domine, qui te domine. Oui, ça doit être ça. C'est pour ça qu'on fait autant d'heures de bénévolat par semaine. Non, mais vraiment, ici, le but, c'est vraiment... d'aider les victimes et de conscientiser vraiment les gens et qu'ils soient, que les stérilets hormonaux en général soient préinscrits de façon beaucoup plus intelligente et de façon beaucoup plus sélective. Voilà, on verra où ça nous mènera, mais on espère vraiment arriver à quelque chose de beaucoup plus réfléchi. Ben moi, je vous suivrai et j'espère, moi, au bout du bout, dans mon fort intérieur, que ce stérilet soit viré, qu'on construise, qu'on crée autre chose, quoi, que ce... Non, mais ce produit vraiment mauvais, quoi, tout compte fait, c'est ça, c'est très mauvais, quoi. Quand quelque chose est mauvais, on le met à la poubelle, non? Maintenant, c'est comme je disais tout à l'heure, pour les femmes qui souffrent d'endométriose, c'est parfois la seule option qu'elles ont pour ne plus souffrir. Oui, mais il n'y a pas 22 000 femmes qui souffrent de... Comment tu dis? L'endométriose. C'est une maladie qui est fort répandue, qui est fort tue pour le moment. Enfin, on n'en fait pas grand débat parce que voilà, c'est quelque chose de très personnel, avoir un problème. Donc, c'est des règles abondantes, ça, hein? En fait, c'est l'endomètre qui est beaucoup plus épais et qui... je ne connais pas les tenants et aboutissants de la maladie parce que je ne me suis jamais vraiment renseignée là-dessus, mais l'endomètre pose problème et crée des règles très abondantes, mais également provoque des infections, etc. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent hospitalisées tous les mois au moment de leur menstruation. Parce qu'elles ne savent pas gérer, enfin leur corps ne fonctionne pas correctement à ce niveau-là. Donc pour ces femmes-là, le stérilet hormonal est peut-être leur seule option pour avoir une vie normale. Oui, mais c'est pas toutes les femmes. Moi, j'ai jamais entendu. Pourtant, je rencontre quand même beaucoup de gens. Bon, c'est vrai qu'on parle pas forcément des règles, mais bon. C'est un peu sujet tabou. Hein. C'est toujours tabou. C'est, enfin, en 2018, malheureusement, les femmes n'ont pas envie de parler de ça. Et pourtant, ça fait partie de notre vie pendant 40 ans, voire plus. Donc voilà, il faut vivre avec et il ne faut pas avoir peur d'en parler. Quand on a un problème gynéco, il ne faut pas avoir peur d'en parler au médecin. Et ça aussi, c'est un peu, dans la continuité de notre débat. Une femme qui a des problèmes avec sa contraception doit pouvoir en parler ouvertement. C'est pas il n'y a rien de négatif à dire à un moment donné, j'ai un problème avec ma contraception, ou j'ai plus de libido, ou ça ne va pas dans ma tête, etc. Ce n'est pas une honte. Oui, puis peut-être voir un gynéco, je sais que c'est peut-être bête ou ringard ce que je dis, mais femme plutôt qu'homme, parce que quand même une femme peut un peu se mettre à votre place, non? Qu'est-ce que tu en penses de cette idée qu'elle connaît, qu'elle sera peut-être un peu plus en phase avec vous, non? J'ai tendance à dire l'inverse, en fait. Maintenant, c'est peut-être ma... Non, mais oui, mais comme quoi on peut tout retourner à l'envers. Voilà, oui, tu vas dire quoi, toi? En fait, moi j'ai l'impression que les gynéco-femmes, justement, parce qu'elles sont femmes et qu'elles savent ce qu'on vit à l'intérieur, sont beaucoup plus sectaires et disent « Si moi, j'ai pas de problème, c'est que vous n'en avez pas non plus, arrêtez de fabuler. » Qu'un homme gynéco, il n'a pas le même corps que nous, il n'est pas fait de la même façon, donc je pense qu'il est plus prudent qu'une femme. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Comme quoi, hein, bon. Voilà. Allez, on termine sur la musique, là? Oui, super, avec plaisir. Non, mais t'aurais quelque chose, t'as dit un peu l'adresse, les références. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Mais merci à toi, Gaëlle. Hein. Merci beaucoup pour l'invitation.